Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, question 58, de la place que le Christ occupe à la droite de son Père. Signification de ces paroles, il est assis à la droite de Dieu le Père, que ce privilège est exclusivement propre au Christ. 1. Le Christ est-il assis à la droite de Dieu le Père? Saint Marc dit, le Seigneur Jésus, après leur avoir parlé, monta au ciel, où il est assis à la droite de Dieu. Être assis implique deux idées, celle du repos, et celle de la puissance royale ou judiciaire. Au Christ se reposant d'une manière immuable dans la béatitude éternelle et régnant avec son Père dont il a reçu le pouvoir de juger tous les hommes, il convenait d'être assis à la droite de Dieu le Père, car celui qui est assis à la droite du roi règne et juge en qualité de premier assesseur. Note. Il n'y a rien en cela de corporel et de local, la droite du Père signifie la gloire et les honneurs de la divinité, être assis, annonce le juge. Fin de la note. 2. Le Christ, en tant qu'il est Dieu, est-il assis à la droite du Père? Le Christ, comme Dieu, est assis à la droite de son Père, puisque nous entendons par là qu'il possède avec lui la gloire divine, la béatitude suprême et le pouvoir souverain de juger, prérogatives attachées à sa divinité. 3. Le Christ, en tant qu'il est homme, est-il assis à la droite du Père? Assis, en tant que Dieu, à la droite du Père, auquel il est égal par l'identité de la nature divine, le Christ y est pareillement assis comme homme, en vertu non seulement de son union hypostatique, mais encore de sa grâce habituelle, qui, incomparablement plus abondante en lui que dans les autres créatures, lui a conféré, outre la béatitude la plus grande, le pouvoir royal et judiciaire. 4. Est-il exclusivement propre au Christ d'être assis à la droite du Père? Être assis à la droite de Dieu le Père, c'est, d'après ce qui précède, lui être égal selon la nature divine, et être établi, selon la nature humaine, dans une parfaite possession des biens suprêmes, au-dessus de toutes les créatures. À nul autre qu'au Christ n'appartiennent ces deux privilèges. Quel est, demande saint Paul, celui des anges à qui Dieu est jamais dit, asseyez-vous à ma droite. Hébreux 1, 13. C'est donc une prérogative qui lui est exclusivement propre d'être assis à la droite du Père.